Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1943, Henri-Georges Clouzot tourne le corbeau. L'action du film se déroule à Saint-Robin, une petite ville imaginaire en apparence tranquille. Mais l'ambiance, en réalité, y est épouvantable. Des lettres anonymes circulent, elles accusent le docteur Germain, joué par Pierre Fresnay, de pratiquer des avortements et d'être l'amant de Laura, l'épouse d'un de ses collègues. Très vite, comme un venin qui se propage, les lettres se multiplient et personne n'est épargné par la suspicion. Et si mon voisin ou ma voisine, ma femme ou mon mari était le coupable, l'auteur des lettres qui signe le corbeau? Le film de Clouzot, aujourd'hui unanimement considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, surprend toujours par son audace. Comment en 1943, en pleine occupation, alors que la Gestapo encourage la délation, comment le jeune réalisateur a-t-il pu obtenir l'autorisation des nazis de tourner un film si noir et si amoral ? Le Corbeau fait un triomphe à sa sortie en septembre 43, mais il ne porte pas chance à son réalisateur. Viré par la Continentale, la société de production créée par les nazis, Henri-Georges Clouzot, stigmatisé par la Résistance, verra son film interdit à la Libération. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Christine Leteux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne du cinéma, l'auteur d'un livre sorti en 2017 qui a renouvelé le regard sur le cinéma sous l'occupation, Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand. Un livre passionnant, vraiment, qui se lit comme un roman, où l'on se rend compte que l'histoire du cinéma français, donc sous l'occupation, même s'il a eu ses héros, hein, il y a eu de vrais résistants et puis aussi des salauds, de vrais collabos, eh bien, elle ne peut pas se lire qu'en blanc et noir. Est-ce qu'en cela, l'histoire du tournage du Corbeau et de son accueil, est-ce qu'elle est symptomatique? Oh, absolument. Hein. D'autant plus que Le Corbeau, c'est vraiment le plus grand film produit par la Continentale. Hein. C'est vraiment un des plus grands chefs-d'œuvre, même de l'histoire du cinéma français, on peut le dire. Et quand on regarde le personnel qui a travaillé sur ce film, on trouve de tout. On trouve donc effectivement des résistants, un réalisateur qui est très très proche du patron allemand de la société. Alfred Greven. Alfred Greven. Vous avez aussi des acteurs qui se sont comportés plus ou moins bien. Certains travaillent sur Radio Paris, ce qui va leur causer de sérieux problèmes. Ou d'autres dont on murmure qu'ils sont proches de l'occupant alors qu'ils ne le sont pas, comme par exemple Pierre Fresnay. Donc je dis bien, on trouve absolument de tout. Au début de l'occupation, en 1940, quelle est la situation du cinéma français et quel est alors l'objectif des Allemands en matière de cinéma quand ils arrivent? Alors, quand ils arrivent à l'été 1940, en fait, le cinéma français est à l'arrêt depuis environ la fin du mois de mai, en fait, au moment de l'offensive. Donc, il y a des films qui étaient en tournage qui ont été arrêtés, d'autres qui étaient peut-être sur le point de sortir, qui sont restés en plan. Et quand les Allemands arrivent, et en particulier donc Alfred Greven, qui est originairement un producteur de la UFA, la grande société allemande. Il est allemand lui-même. Hein. Oui, ah, il est allemand, bien sûr, et avec des notions de français. Hein. Il est francophone. Il a été envoyé spécialement par Joseph Goebbels à Paris pour créer de toutes pièces donc une nouvelle société de production. La Continentale. La Continentale Film. Donc le nom d'ailleurs dit tout, c'est-à-dire oui. Qu'on essaie d'englober le cinéma français dans cette nouvelle Europe allemande, on peut dire. Et quel cinéma veulent-ils fabriquer, produire? Ah, essentiellement, ils veulent du cinéma de divertissement. Ils veulent que ce soit du cinéma qui rapporte de l'argent, qui soit exportable. Ce qu'ils veulent faire, c'est des films légers, quoi, un peu à l'eau de rose. Oui, ça, c'est ce que dit Joseph Goebbels. Mais en fait, Alfred Greven va laisser finalement le champ libre à pas mal de metteurs en scène pour faire des films infiniment plus corrosifs que ce que Goebbels voulait. Et Henri-Georges Clouzot, à ce moment-là, il est connu ou pas? C'est un Alors, Henri-Georges Clouzot, il est un scénariste qui travaille dans le cinéma depuis pas mal d'années, mais qui fait des films, je dirais, commerciaux très très légers, quoi. C'est vraiment sous l'occupation qu'il va débuter sa carrière de réalisateur. Exactement, c'est grâce à la Continentale qu'il va devenir réalisateur en 1942 avec L'Assassin habite au 21. Donc son premier film et le second, donc c'est Le Corbeau en 1943. 1943, c'est une année très noire pour la France. Ah oui, 1943, là, les bombardements s'intensifient. Les Allemands savent que les carottes sont un peu cuites, hein, puisque ça va très très mal sur le front de l'Est. Enfin, l'occupation est toujours bien présente, les déportations. Ah oui, oui, le STO a été mis en route. Le service de travail obligatoire pour les jeunes qui doivent aller travailler en Allemagne. Exact, et donc dans les milieux du cinéma aussi, on a peur du STO, donc il faut absolument avoir un contrat pour ne pas se retrouver sur une liste pour être envoyé travailler en Allemagne. Et bon, en plus, les conditions de tournage à l'époque sont très très difficiles, hein, outre les studios glaciales, il n'y a pas de chauffage, et le fait que la pellicule commence à manquer, tous les matériaux pour faire des décors, des costumes aussi, c'est très très compliqué. Et même au sein de la Continentale, on leur impose de faire peut-être une ou deux prises sur un film, mais pas plus. Christine Neuteux, je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1943, Henri-Georges Clouzot tourne Le Corbeau, un texte de Marc Elfer, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Picon. Seulement. Impossible de fermer l'œil. J'ai du mal à respirer. Ce tic-tac est infernal. Et ce bruit près de la fenêtre, comme si un rat rongeait quelque chose à l'intérieur du mur. Il faut que je me calme. Dormir. Penser aux lèvres épaisses de Ginette Leclerc. Mon Dieu, quelle bouche, quel corps. Je voudrais tant la filmer nue. Et Freinet, qui refuse de l'embrasser parce qu'il a passé un contrat avec son Yvonne Printemps. Au théâtre comme au cinéma, il a juré de n'embrasser personne d'autre qu'elle. Quel con. Il faut modifier cette satanée scène. Manquerait plus que Freinet abandonne le tournage. Comme si je n'avais pas suffisamment de problèmes avec Greven. Le film n'a pas l'air de lui plaire. Il n'arrête pas de me faire des reproches. Je devrais me méfier. Je sais de quoi il est capable. Juin 1943, rue Lagrange à Paris. L'homme de 36 ans, aux sourcils épais, qui s'agite, tourmenté dans son lit, est le réalisateur Henri-Georges Clouzot. Cela fait plusieurs semaines qu'il tourne à Montfort-l'Amaury son deuxième long-métrage, Le Corbeau. Son ami, l'acteur Pierre Freinet, tient le rôle principal du film, le docteur Rémy Germain, la victime d'une série de lettres anonymes qu'il accuse d'être un avorteur. L'ambiance sur le plateau est épouvantable. Le cinéaste, dur et intransigeant, fait vivre un véritable enfer à ses acteurs. L'atmosphère est également très tendue entre Clouzot et son producteur, Alfred Greven. Ce nazi de la première heure, ami d'Hermann Göring, dirige la Continental Film, une maison de production parisienne à capitaux allemands. Après le succès triomphal de L'Assassin habite au 21, un an auparavant, Henri-Georges Clouzot a reçu carte blanche pour Le Corbeau. Mais le patron de la Continental n'est guère emballé par ce nouveau projet, qu'il trouve trop immoral. Est-ce que ça m'empêche d'être belle-fille ? Est-ce que ça empêche les hommes d'avoir envie de moi ? Ginette, reprenez la dernière réplique, le ton un peu plus bas. Est-ce que ça empêche les hommes d'avoir envie de moi ? Oui, c'est mieux. Un peu plus de vulnérabilité dans le regard. Est-ce que ça vous empêche d'avoir envie de moi ? Baissez légèrement la tête vers l'oreiller. Est-ce que ça vous empêche d'avoir envie de moi ? C'est parfait. Bon, Pierre, alors placez-vous ici. Non, ici, vous mettez comme ça. Vous regardez Ginette droit dans les yeux. Non, mais un peu plus de désir dans le regard. Voilà, c'est mieux. Alors, rassurez-vous, comme vous le souhaitiez, j'ai modifié la scène. Vous n'embrasserez plus Ginette. Quoi, Pierrot, tu ne veux pas m'embrasser ? J'ai mauvaise haleine, c'est ça ? Tu dois bien être le seul homme sur le plateau à ne pas vouloir m'embrasser. Ginette, cette scène me met vraiment mal à l'aise. Je ne peux pas vous embrasser, en tout cas pas devant la caméra. Yvonne est si jalouse. Allez, bon, ça suffit, Pierre. Pierre, s'il vous plaît, posez votre main droite sur la bouche de Ginette. Comme ça? Voilà. Ginette, regardez fixement Pierre. Mordez-lui fougueusement la main. Quoi? Attendez, elle va me mordre la main? Oh, t'inquiète pas, j'ai pas la rage. Elle va vraiment me mordre? Mais elle va me faire mal. Oh, merde, enfin, vous n'êtes pas là pour vous amuser. La scène doit être réaliste. T'as pas encore compris, Pierrot, que Georges est un pervers? La domination, c'est son truc. Ça le fait jouir. Bon, on a fait cette scène, ou non? Nicolas, tout est prêt? Tout le monde est prêt? Allez, silence! Moteur! Ça tourne. Action! Est-ce que ça m'empêche d'être belle fille? Est-ce que ça empêche les hommes d'avoir envie de moi? Rentré à Paris après la journée de tournage, Pierre Fresnay retrouve Clouzot chez Maxim's. Le restaurant est rempli d'officiers de la Wehrmacht. Depuis le début de l'été, les conditions de ravitaillement ont empiré dans la ville et les Parisiens sont affamés. Les légumes sont rationnés et la viande quasi introuvable, même au marché noir. Mais ceux qui ont des portefeuilles bien remplis peuvent toujours se rassasier dans un restaurant chic. On prend une bouteille de vin, non? La viande est vraiment excellente. Quand je pense à ce qu'on mange tous les jours sur le plateau, vous pourriez demander à Grevan de faire quelque chose? C'est difficile de travailler avec ses crampes à l'estomac. Oh, c'est que je ne suis pas en odeur de sainteté avec Alfred en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il déteste le film. Il le trouve trop sombre et déprimant. Grevan n'a peut-être pas tort. Je dois avouer, certaines scènes me dérangent aussi. Vos scènes avec Ginette? Oh, pas seulement. Toutes ces allusions à l'avortement et proclamer son athéisme dans un pays aussi chrétien que le nôtre, vous y allez fort, non? C'est le pétainiste en vous qui parle. Et les lettres anonymes. Vous pensez que c'est prudent d'évoquer la délation par les temps qui courent? La censure ne laissera jamais passer ça. Pierre, les films de la Continentale sont exemptés de la censure du gouvernement, il n'y aura pas de problème. Vichy n'osera jamais attaquer un film de Greven. Bon, on la commande, cette bouteille? Bien sûr. Garçon. Non, mais cette viande est vraiment fameuse. Reprenez la dernière réplique. Nous serons des amis, si vous voulez bien. Des amis? Tu vois une femme comme moi être l'ami d'un homme comme toi? Après cette nuit? Vous mésestimez, mon cher. Réfléchissez. C'est tout réfléchi. Tu es lâche. Tu es faible. De nous deux, c'est toi la grue. Mais ça m'est égal, je ne céderai pas. Ginette, pensez à regarder Fresnay droit dans les yeux. Je dois sentir votre domination dans le regard. On fait une pause. Je reviens dans 10 minutes. T'as l'air constipé, Pierrot, aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Clouzot exagère. Comment ça? Cette manière qu'il a d'évoquer aussi crûment le sexe... Oh, ne fais pas le pudibond, tu m'énerves. Vous ne pensez pas que le film va trop loin? Georges montre que les hommes sont des cons. C'est ça qui te gêne? Avec les valeurs de la Révolution nationale, le film va nous péter à la gueule. Hé, le pasteur, arrête tes sermons. Je croyais que Georges était ton ami. J'admire Clouzot. Il est malin, c'est un vrai cinéaste. Mais il est trop doué, on ne va jamais lui pardonner son talent. Georges n'est pas la personne la plus agréable avec qui travailler. Mais il est quand même fantastique. On ne m'a jamais offert un aussi beau rôle de femme. Ce nœud dans l'estomac qui ne me lâche pas depuis ce matin. J'ai l'impression de ne plus contrôler mon corps. Encore une convocation. Qu'est-ce qu'il me veut, Alfred, cette fois? Il est au courant du moindre problème sur le plateau, c'est sûr. On a une taupe dans l'équipe. Qui ça peut bien être? J'en peux plus de ces engueulades à répétition, mais il faut que je tienne. Il ne reste plus que 10 jours pour achever le tournage. Je dois rester maître à bord et ne pas me faire débarquer. Henri-Georges Clouzot arrive au siège de la Continentale, 104 avenue des Champs-Élysées. Comme à son habitude, Alfred Greven a accroché son manteau et son chapeau sur le buste d'Adolf Hitler posé sur son bureau. Ce colosse de 46 ans, au crâne légèrement dégarni, a imposé des cadences de travail infernales au réalisateur. Le film doit être tourné en moins de 30 jours. Entre les deux hommes, le climat est devenu totalement délétère. Alfred, vous vouliez me voir ? Oui, Clouseau, asseyez-vous. Ce rapport indique que pour une scène avec Ginette Leclerc, vous avez fait 5 prises. Rien que pour une gifle. C'est quoi ce délire ? Les 4 premières prises n'étaient pas bonnes et on a refait... Vous savez très bien, vous n'avez droit qu'à 2 prises par scène. Ne recommencez plus. Powermeister prétend que le tournage prend du retard. Je vous préviens, je ne veux pas entendre parler d'heures supplémentaires. Je vous assure, on terminera dans les temps prévus et le budget sera respecté. Autre chose ? Vous m'aviez promis une enquête policière, des rebondissements, du suspense. Et je me retrouve avec une atmosphère qui sointe le sexe. Et je ne vous parle même pas de vos personnages. Une boiteuse, un drogué et votre héros, il est trop mou. Alfred, faites-moi confiance. Nous sommes en train de faire un grand film. Vous êtes un esthète. Je sais que vous voulez laisser votre nom dans l'histoire du cinéma. Ce n'est pas la peine de me flatter. Vous avez du talent, mais là, franchement, la fascination morbide de votre héros pour une handicapée. Une histoire d'amour avec une infirme. Une traînée en plus. On va droit à la catastrophe. Vous avez perdu tout bon sens. Le 26 septembre 1943, les bombardements alliés s'intensifient sur la région parisienne. Il y a quelques jours, un avion de l'armée de l'air britannique s'est écrasé sur les grands magasins du Louvre, provoquant un incendie. Dans les rues, les Parisiens parlent des réclames qui, dans les journaux, annoncent la sortie du corbeau dans 2 jours. La honte du siècle, le crime de l'époque, la loi est-elle assez armée pour punir les auteurs des lettres anonymes ? Des slogans d'autant plus stupéfiants que dans le pays occupé, la délation est officiellement encouragée par les Allemands et par le gouvernement français pour dénoncer les ennemis du régime, les juifs, les communistes, les résistants. Pas étonnant donc que la campagne publicitaire du Corbeau, lancée par Alfred Greven, ne soit pas du goût de la propagande Staffel. Alfred, vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe ? Tenez, je viens de recevoir ce courrier. La Gestapo est furieuse. Elle m'accuse de décourager les auteurs de lettres anonymes dont elle a tant besoin et exige l'arrêt immédiat de notre campagne publicitaire. Et le film ? Il ne vaut quand même pas l'interdire. Ce n'est pas tout. La UFA m'a fait savoir qu'elle censurait le Corbeau. Votre film ne sera pas distribué en Allemagne. La UFA a décidé également de suspendre la distribution de tous les films de la Continental. J'imagine que vous êtes satisfait ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Normal que votre oiseau de merde sent la viande faisandée. Je vous l'avais dit dès le début que ce film allait m'attirer des ennuis. Mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Je ne comprends pas. Vous êtes bien payé. Je vous ai toujours laissé beaucoup de liberté. Grâce à moi, vous êtes devenu réalisateur. Et c'est comme ça que vous me remerciez ? Je sais très bien ce que je vous dois. Mais sans moi, vous n'êtes rien, Georges. Votre carrière à la Continental est finie. Foutez le camp. Je ne veux plus vous voir. Et qu'est-ce que vous comptez faire du film ? Ne vous inquiétez pas. Votre Corbeau va sortir comme prévu. Et je vous parie que ce sera un immense succès. Je ne vais quand même pas perdre une bonne occasion de gagner de l'argent. Mais vous êtes abject. Une dernière chose. Ne comptez pas sur moi si vous avez des problèmes. Vos ennuis ne font que commencer. Je vous le promets, vous ne travaillerez plus pour personne en France. Au revoir, Alfred. Toutes mes salutations à Suzy. Le Corbeau sort le 28 septembre 1943 et fait un triomphe. Dans son appartement, Henri-Georges Clouseau et sa compagne, Suzy Delair, découvrent les critiques dans les journaux. À 26 ans, cette ravissante chanteuse au caractère impétueux règne sur la scène du Music Hall et tient également le haut de l'affiche au cinéma. Il y a un peu plus d'un an, en mars 1942, alors qu'elle travaillait sous contrat avec la Continental, Suzy Delair était partie, sourire radieux, pour un voyage de propagande à Berlin, en compagnie d'autres acteurs français, notamment Daniel Darieux, Albert Préjean et Viviane Romance. Hein? Ah ben dis donc, tu vas avoir la tête grosse comme un chaudron. Ils écrivent tous que ton film est sensationnel. Tu te rends compte, même Joshi partout dit du bien de toi, mon biquet. Une heure et demie de film où l'on ne s'ennuie pas une minute. Ça m'étonnerait que Rebatten n'ait pas lâché quelques saloperies. Les critiques sont très bonnes, je suis persuadée que tu vas bientôt retrouver du travail. Oh, je me méfie de Greven, il va pas en rester là. Il va sans doute faire pression pour m'empêcher de travailler. Et il a le bras long. Ne pense plus à cet enfoiré. Aujourd'hui, on fait la fête. On va au Scheherazade ce soir. Oh, je préfère rester à la maison. Arrête de faire ta tête de renfrogné. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu me chantes quelque chose? Tu veux quoi, le cul sur la commode? Plutôt, je chante la nuit. Ah? Tu la chantes tellement mieux qu'Yvonne Printemps. Je chante la nuit. Ma voix te poursuit, espérant toujours un seul mot d'amour. Je chante la nuit. Tu danses avec moi, mon chéri? Oui, je vois. La BBC prédit la chute d'Hitler pour bientôt. À les écouter, le sort de la guerre est déjà plié. Combien de temps Pétain et sa clique peuvent-ils encore tenir? Je devrais quitter Paris. Entre les bombardements, les attentats terroristes et la Gestapo qui multiplie les arrestations, ça devient vraiment dangereux. Je suis à plat. Je n'arrête pas de tousser. Il fait trop froid et trop humide à la maison. Ce goût de mort dans la bouche est toujours là. Pas question de finir dans un sanatorium. Décembre 1943. À Paris, la situation se détériore chaque jour davantage. Le gaz ne fonctionne plus qu'une demi-heure par jour et les pannes de courant sont fréquentes. Dans son appartement, Henri-Georges Clouzot a froid et porte plusieurs couches de vêtements sous son chandail à col roulé. Depuis plusieurs semaines, le réalisateur au chômage noircit des feuillets. Il pense enfin avoir trouvé le sujet de son prochain film, une adaptation du roman de Vladimir Nabokov, Chambre obscure. Un après-midi, alors qu'il est chez lui, Clouzot reçoit une visite inattendue. Attends, j'y vais. Ginette? Mais qu'est-ce que tu fais là? Entre, ma belle. Je suis venue montrer quelque chose à Georges. Tiens, c'est un cadeau. Une bonne bouteille de Bourgogne. Oh, Ginette! Quelle surprise! Tu as vu ce qu'elle nous apporte, du Bourgogne? Suzy, tu vas encore dire que c'est mauvais pour tes articulations. Oh! Du Corto Charlemagne, 28, non, vous avez fait une folie. Venez, asseyons-nous, je vous en prie. Vous faites quoi en ce moment, Ginette? Je vais bientôt ouvrir un cabaret avec Lucien Gallas près des Champs-Élysées. Tu pourras venir chanter chez nous, Suzy. Avec joie. Vous avez un air mystérieux, qu'est-ce qui se passe? J'ai lu ce matin cet article sur le corbeau. C'est vraiment odieux. L'écran français. Je connais pas, qu'est-ce que c'est? Une revue de cinéma clandestine. Ce sont des résistants qui écrivent ça. C'est inséré dans les lettres françaises. Mais vous êtes folle de sortir avec ça dans votre sac. Faites voir. Là. Une petite ville ici ou ailleurs, mais en tout cas en France. Cette petite ville renferme des Français ignobles, y compris le personnage central, le collaborateur Freinet. Oh, les salauds. Une apologie de la lettre anonyme qui va jusqu'à nous montrer comment elle se confectionne sans danger, recette qui peut, qui doit servir la Gestapo. Dis donc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Attendez, attendez. Ils parlent de moi aussi. En somme, un film qui n'a pas su montrer une seule image autre que grinçante, la figure normale de Ginette Leclerc, n'est pas un film humain. C'est la définition du film nazi pur. Qui a écrit cette merde? Ce n'est pas signé. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me le laissez? Je vais le mettre sous mes vêtements, ça me tiendra chaud. Ne prenez pas ça à la légère, Georges. Comme vous le dites dans votre film, quand ces saloperies se déclarent, on ne sait pas où elles s'arrêtent. Vous en faites pas, tout ça, ça passera. Allez, un petit coup de Bourgogne. Le lendemain, Clouzot reçoit un appel de son ami Henri Janson. Le célèbre dialoguiste de Pépé le Moko et de l'Hôtel du Nord a lu l'écran français. Lui aussi est inquiet. Cet ancien chroniqueur redoutable du Canard enchaîné a passé plusieurs mois en prison au début de l'occupation pour certains de ses articles. Il avait notamment félicité le jeune juif polonais Herschel Greenspan d'avoir abattu en 1938 Ernst von Rath, un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Depuis sa sortie de prison, Janson, interdit de travail dans la presse et le cinéma, écrit des scénarios qu'il ne signe pas. Allô? Ça va, mon Toto? Ah, Janson! Alors, tu essaies de te faire plus d'ennemis que moi? Ça fait un bail, dis donc. C'est vrai ce qu'on raconte sur toi? Tu travailles pour Joseph Goebbels? Et tu fais des films nazis sur le dos de la France. Tu as lu ce torchon. Tu sais qui est derrière ces calomnies? Oui, t'es coco. Il y a parmi eux un comédien qui porte un nom bien français. Qui est cette charmante personne? Ah, tu me connais. Je n'aime pas nommer les délateurs. Je te parie que dans quelques mois, on ne parlera plus de cet article de merde. Non mais tu rêves. Tu ne te rends pas compte, la victoire des Alliés n'est qu'une question de mois. Surtout après la déculottée des Boches à Stalingrad. Où veux-tu en venir? Je ne vois pas le rapport. La meute est lancée, Georges. Pour les cocos, tu es l'homme de la Continentale. Ils vont te reprocher d'avoir été cul et chemise avec Greven. Ils ne sont pas prêts de te lâcher. Monsieur n'importe quoi. Je te plains. Ta réputation va être lourde à porter. Ah, quel métier que le nôtre. Je ne te le fais pas dire. Toute plaisanterie mise à part, méfie-toi quand même. Ils veulent vraiment ta peau. Bon, tu passes un de ces jours à la maison, ça nous fera plaisir. Très bien. L'écran français continue de me traîner dans la boue. Ils disent maintenant que je montre des Français dégénérés, mûrs pour l'esclavage. Je me demande bien quel est le salaud qui écrit tous ces articles. Après les Allemands et les pétainistes, ce sont les résistants maintenant qui s'en prennent aux corbeaux. C'est du délire. Encore un collègue qui détourne le regard en me croisant. Certains changent même de trottoir. Du jour au lendemain, je suis devenu un pestiféré. Et pas de travail en vue, toutes les portes se ferment devant moi. Je ne sais pas si je dois remercier Greven ou l'écran français. Heureusement que Suzy est là pour ramener de l'argent à la maison. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Juin 1944, les Alliés, tant attendus, débarquent en Normandie. Paris est libéré le 25 août. Très vite, l'épuration, organisée ou sauvage, commence. Dans la capitale, des milices patriotiques procèdent à des arrestations d'artistes qui se sont compromis avec les occupants. Sous l'influence des résistants communistes, le Comité de libération du cinéma français mène des interrogatoires, sous la direction du comédien Pierre Blanchard. C'est lui qui, avec Georges Adam, journaliste communiste, avait écrit les articles parus dans l'écran français contre le corbeau. Le 4 septembre, une liste de 8 réalisateurs est établie. 7 d'entre eux travaillaient pour la Continentale. Leur activité est immédiatement suspendue. Parmi eux figurent Marcel Carné, Henri Decoing, André Cayatte et Henri-Georges Clouzot. Le corbeau est également interdit par la censure militaire. Vous êtes au courant? Ils ont arrêté Freinet et Ginette Leclerc. C'est fou. Le corbeau est devenu une affaire d'État. Ah, vous ne la sentez pas, cette bonne odeur de merde? Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Mais arrêtez de déconner, bon sang, c'est pas drôle. Je suis morte d'inquiétude. T'imagines mon biquet s'il te passe les menottes? Ne t'inquiète pas, Suzy. Leurs accusations sont fondées sur des mensonges. Je ne risque rien. Mais le mensonge est comme le tabac. C'est un monopole d'État. Et l'État, c'est eux maintenant. Tu n'as pas encore compris. C'est une chasse aux sorcières. Et les sorcières, après les procès, on en fait quoi? On les brûle. Arrête, Henri, tu me fais peur. Tu crois vraiment que je risque la prison? Tu parles à un connaisseur. Tu verras, la prison, c'est salutaire. Tu auras le temps de relire tout Proust. Et tu pourras même faire des concours de paix avec tes co-détenus. Enfoiré. Sérieusement, Georges. Prépare ta défense. Ils t'ont déjà condamné d'avance. Mais enfin, je n'ai rien à me reprocher. Ouvre les yeux. Les cocos se sont appropriés le monopole du patriotisme. Et leur nouvel ordre moral n'est guère différent de celui des péténistes. Pour eux, ton corbeau, avec son insolence et sa méchanceté, est une atteinte aux bonnes mœurs, une insulte à l'honneur national. Heureusement que tu es là pour me rassurer. Au revoir, un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde unie. Ah, je n'en peux plus, vous êtes vraiment des cons. Vous m'énervez, je vous laisse. Et Suzy, elle s'en est pris pour combien? 3 mois de suspension. Elle s'en sort bien? Je dois t'avouer, je commence un peu à appréhender mon audition. Ça risque d'être un spectacle édifiant. Oui, cela promet d'être amusant. Préparez ma défense. Il en a de bonnes, Janson. Greven s'est enfui en Allemagne. Toutes les archives de la Continentale ont disparu. Qui va vouloir témoigner en ma faveur? Ils sont tous contre moi. À leurs yeux, je suis un monstre, un sale type, un collabo de la pire espèce. Ils veulent me rendre invisible, m'enterrer vivant. Le plus drôle, c'est que leur comité d'épuration est composé de cinéastes qui ont tous travaillé pour Vichy. Ceux qui vont me juger ne vont même pas être inquiétés. Quelle bande de faux culs. Ouais. Octobre 1944. Henri-Georges Clouzot rend visite à Pierre Freinet au dépôt de la préfecture de police dans l'île de la Cité. L'acteur a été arrêté le 8 septembre. Les deux amis sont brouillés depuis le tournage du Corbeau. Georges, ils ne vous ont pas arrêté? Qu'est-ce que vous faites ici? Pierre. Vous êtes venu me narguer. Je voulais prendre de vos nouvelles. Je vous ai apporté des cigarettes. Merci. Vous tenez le coup? Oh, ça va. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai de la compagnie. On est 7 dans la cellule. Ah. De quoi vous accuse-t-on? D'après mon avocat, ils n'ont strictement rien contre moi. Leur dossier est vide. C'est une arrestation arbitraire. Leur dossier est vide et vous êtes en prison? On me reproche d'avoir fait 4 films pour la Continentale. Ils m'auraient soi-disant laissé tranquille si je n'en avais fait que 3. Mais 4, c'était apparemment trop pour eux. Disons que mon rôle dans le Corbeau n'a rien arrangé. Et Yvonne, elle a été inquiétée? Elle a reçu la visite de bons patriotes qui l'ont menacée de la dénoncer comme collabo si elle ne leur donnait pas de l'argent tout de suite. Elle les a envoyés balader. Vous savez que Ginette a été arrêtée le même jour que vous? Et vous, vous êtes libre. Comment est-ce possible? Je passe bientôt devant une commission d'épuration. Je crois qu'il me prépare quelque chose de pire que la prison. Franchement, je ne vais pas m'apitoyer sur votre sort. Vous m'en voulez toujours? Le Corbeau. Je l'ai encore en travers de la gorge. J'ai fait ce film à contre-cœur. Je vous aimais bien, Georges. Mais vous êtes un vrai malade. Ce que vous avez dit à Yvonne, ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Ne revenez plus me voir. Foutez-moi la paix. Mais Pierre. Pierre. Gardien. Le 17 octobre 1944, Henri-Georges Clouzot est déféré devant la commission d'épuration composée de 3 cinéastes. Le Corbeau et le rôle de Clouzot au sein de la Continentale sont au cœur des débats. Très vite, la commission reproche au réalisateur d'avoir présenté dans son film les vices et les tares de la société française à des fins de propagande hitlérienne. Veuillez vous asseoir, Clouzot. Nous voudrions vous interroger sur vos activités au sein de la Continentale. Vous étiez un des rouages de cette entreprise nazie. Vous avez dirigé leur bureau des scénarios. Pour quelle raison avez-vous accepté ce poste ? C'était une période très difficile. Aucune maison de production française ne m'offrait de travail. Je crevais de faim. C'est pour ça que je suis entré à la Continentale. Ça ne vous dérangeait pas de travailler pour les Allemands ? Alfred Greven ne m'a jamais demandé de faire de la propagande. Il m'a toujours laissé libre. J'avais le choix entre faire des bons films pour la Continentale ou des mauvais pour la Gaumont ou Pathé. Mon choix était simple. Alfred Greven était votre ami, non ? À ce qu'il paraît, on vous voyait souvent dîner ensemble en ville. Selon des témoins, vous pratiquiez même le salut nazi avec lui. Vos témoignages, c'est quoi ? Des lettres anonymes ? C'est vraiment dégueulasse. Et le voyage des artistes français à Berlin, auquel votre compagne Suzy Delair a participé, il n'a jamais existé ? Elle ne se serait pas plainte à son retour de ne pas avoir eu la joie de serrer la main de Joseph Goebbels ? Ah, vous ne dites plus rien, Clouzot. Je n'ai jamais été un collabo. J'ai fait engager des juifs et des communistes à la Continentale. J'ai pris des risques pendant l'occupation. J'ai caché chez moi un résistant qui était recherché par la Gestapo. Bon. Passons à votre film anti-français. Le Corbeau. Ah, ça. Vous avez bien accepté qu'il soit diffusé en Allemagne pour dénigrer notre nation. Enfin, c'est absurde. Louis Chavance a écrit son scénario en 32. Il l'a déposé à la Société des auteurs en 37. Le Corbeau n'a jamais été une commande des Allemands. Il a quand même été diffusé en Allemagne comme outil de propagande anti-française. Le lieutenant Colin Reval, un résistant, va vous remettre un courrier de la UFA. Cette lettre, envoyée en septembre 43 à la Continentale, stipule que la UFA a refusé de signer le certificat d'exploitation du film en Allemagne. Pour elle, le Corbeau ne convenait pas à la mentalité allemande. Vous montrez bien des Français dégénérés dans votre film. Dégénérés ? En quoi les personnages de mon film sont-ils dégénérés ? Eh bien, bon, je n'ai pas vu le film. Pardon ? Mais quoi ? Non mais c'est une parodie de justice. Avant de m'accuser, vous pourriez commencer par voir le Corbeau. Clouzot, nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des instructeurs. Confisqués à la Libération, les biens d'Alfred Greven en France et le réseau des salles de la Continentale, la SOGEC, sont d'abord gérés par l'État français avant d'être cédé à une nouvelle société, créée le 25 septembre 1946, l'Union Générale Cinématographique. La commission d'épuration condamnera tous les comédiens du Corbeau. La plupart d'entre eux sont suspendus pour plusieurs mois. Pierre Fresnay est incarcéré 6 semaines, Ginette Leclerc restera 1 an en prison. Henri-Georges Clouzot, d'abord suspendu à vie de toute activité dans le cinéma, ne sera finalement condamné qu'à 2 ans d'interdiction professionnelle. Il reprendra vite le chemin des studios et remportera en 1947 le prix du meilleur réalisateur au Festival international de Venise pour Quai des Orfèvres. C'est enfin l'heure du retour en grâce pour le cinéaste. Les flashs crépitent. Le prosecco coule à flot. J'ai mon sourire radieux de façade. Les lumières de Venise se reflètent dans mon verre. Elles sont légères, ces bulles. Elles ont un petit goût amer. Et dire qu'il y a encore un an, je songeais à me foutre en l'air. Elles sont là, toutes ces hyènes, ces journalistes qui hier voulaient ma mort. Ils font maintenant des courbettes pour m'interviewer. Ces fauchetons saluent le style Clouzot. Allez, chin chin. Surtout, ne voyez dans mon sourire aucune forme de mépris. Je ne veux pas gâcher mon plaisir. Il est quand même savoureux, le goût de la vengeance. Santé, Alfred. J'aimerais bien voir la tête que tu fais maintenant. Tu sais, ils ont levé l'interdiction. Notre bel oiseau noir va enfin pouvoir déployer ses ailes. « 1943, Henri-Georges Clouzot tourne Le Corbeau de Marc Elfer avec Henri-Georges Clouzot, Frédéric Loriquet, Ginette Leclerc, Lara Suyeux, Pierre Freinet, Mathurin Voltz, Alfred Greven, Pierre-Marie Schneider, Suzy Delair, Sophie Verbeck, Henri Janson, Clément Morinière, L'Épurateur, Jean-Christophe Fraîche, Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Émilie Couette et Éric Villenfin, assistante à la réalisation, Laure Chastan, réalisation, Sophie Picon. Vous écoutez France Inter, autant d'emporter l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler de Clouzot et de son film Le Corbeau avec mon invitée Christine Leteux. Selfless par The Strokes sur France Inter, autant d'emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Léo Prangère. Christine Leteux, quand on regarde l'histoire du Corbeau, on peut se dire après coup que le public finalement a eu du flair en septembre 43, quand le film est sorti, il a fait un triomphe, les critiques aussi étaient assez bonnes. Qu'est-ce qui a plu en fait dans ce film ? Bah, je pense que ce qui a plu, c'est la même chose que ce qui nous plaît maintenant. Bah, oui, c'est un film extrêmement bien réalisé, avec des dialogues qui font mouche. Je dirais que c'est un film, pour moi, qui n'a pas une once de gras. Quoi. Il n'y a rien à soustraire. Ce n'est pas un film avec des longueurs. Il est parfaitement réalisé, tranchant. Enfin, c'est vraiment absolument remarquable. D'autant plus que c'était seulement le deuxième film de Clouseau. Ouais. Et on voit qu'il a tout appris de la technique très, très rapidement. Je me souviens du témoignage de Pierre Freinet qui dit « Clouseau savait immédiatement où poser la caméra ». Et comment faire le plan ? Alors le paradoxe du film, donc on l'a entendu, c'est, et donc Clouseau a fait les frais, hein, et certains de ses acteurs, c'est qu'il a été rejeté à la fois par l'occupant nazi et par la résistance. Hein. Oui, il était critiqué aussi par la presse collaborationniste. Ben oui. C'est ça qui est assez amusant. Ben, c'est-à-dire que c'est une question de contexte. Comme c'est dit dans la fiction, le film, effectivement, le sujet avait été écrit par Louis Chavance bien avant-guerre. Mm-hmm. Bon, il n'avait pas été produit, bon, pas simplement parce que le projet était tombé à l'eau. Mais quand Clouseau l'a repris, bon, il l'a rendu beaucoup plus noir, certes, qu'il était à l'origine. C'est un film qui donc critique la bonne société d'une petite ville de province. Et le problème, c'est que c'est financé par les Allemands. Le film aurait été produit par des capitaux français, probablement qu'il n'aurait pas suscité autant de violents commentaires qu'on trouvait dans la presse. C'est quand même étonnant, ce film qui parle de délation, d'avortement. Il y a une femme qui aime le sexe, qui est boiteuse. En pleine messe, on voit une assemblée qui se jette sur une lettre anonyme qui est jetée du haut de l'église. Enfin, ça donne une image de l'humanité pas très glorieuse. Quand Clouseau a proposé à Alfred Greven un film qui parle de lettres anonymes, est-ce que c'est plausible que Clouseau n'avait pas en tête quand même ce que vivaient à ce moment-là les Français, même si effectivement, vous l'avez dit, Christine Neuteux, le scénario date d'avant-guerre, mais enfin, on est quand même dans un contexte particulier. Clouseau ne peut pas l'ignorer quand il fait ce film, en 1943. Oh, absolument. Il le dit d'ailleurs devant la commission d'épuration qu'il voulait aussi lancer un message contre les lettres anonymes. Ça fait absolument aucun doute. Mais en même temps, bon, il y a quand même un style Clouseau dans tout ce film, comme vous dites, là, avec cette manière très noire de voir l'humanité, qu'on retrouve dans presque tous ses films, de toute façon. Mais il a eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça à cette époque-là. Hein. Effectivement, je ne pense pas qu'un producteur français se serait précipité pour produire un film comme celui-là. Clouseau est un personnage paradoxal, donc il fait un film qui montre des lettres anonymes, et en même temps, il est très ami avec Alfred Greven, et il a beau s'en défendre, il dîne tous les soirs avec lui chez Maxim's. Est-ce que c'est pour autant un collabo ? Non, je pense que c'est un opportuniste, parce qu'il faut bien voir que Clouseau, avant-guerre, il n'était pas grand-chose. Hein. Il est juste un scénariste qui va rafistoler des scénarios, refaire des dialogues. Et quand il rentre à la Continentale, c'est seulement pour rafisteler les dialogues d'un film. Et c'est après que, comme il a fait du bon travail, que Greven va lui proposer le poste de chef du scénario. Ouais, il lui doit tout, finalement. Exactement, il lui doit tout. Et il est tombé au bon moment, sur la bonne personne, et au bon endroit. Parce qu'effectivement, la Continentale aussi, c'est un assemblage de grands talents. Greven a recruté non seulement de bons metteurs en scène, mais aussi d'excellents techniciens. Il a repéré des décorateurs, comme André Andreev, qui a fait les décors du Corbeau, où les chefs opérateurs, on trouve la crème de la crème des chefs opérateurs de l'époque. C'est Nicolas Ayer qui a fait la photo du Corbeau. Qui était par ailleurs un résistant. Exactement, qui était par ailleurs un résistant, ce qui est assez amusant. Donc, Clouseau paradoxal, vers la fin du film, un des personnages, le docteur Vorzet, expose au docteur Germain sa conception du bien et du mal, une scène assez fameuse, et tout en balançant une lampe, comme ça, il fait alterner l'ombre et la lumière. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Savez-vous si vous êtes du bon ou du mauvais côté? De la littérature. Il n'y a qu'à arrêter la lampe. Arrêtez-la. Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante. Tenez, je vous aime bien, je vais vous faire une confidence. Je me drogue, je me pique. Et je ne me prends pas pour un monstre, vous savez. Méditez là-dessus, jeune homme, et faites votre examen de conscience. Vous serez peut-être étonné des résultats. Je me connais. Orgueilleux. Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres, vous tomberez comme eux. Est-ce qu'on peut dire que le docteur Vorzet, c'est un peu Clouzot lui-même, Christine Leteux? Dans cette scène-là, probablement, oui, parce que Clouzot, effectivement, a une vision très noire de l'humanité. C'est quelqu'un qui croit pas vraiment en l'homme, on dirait quoi. Et dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un de très, très difficile. Hein. Tous les témoignages que j'ai pu retrouver montrent que sur les tournages, il était absolument odieux. Est-ce que c'est aussi un peu pour ça que le film a mis très mal à l'aise la résistance communiste, notamment à les commissions d'épuration, à la Libération? Ben, ce qui les met très mal à l'aise, c'est le fait donc Que ce film soit produit par la Continentale, soit produit par des Allemands et montre une France, corrompue. Mais en même temps, au début du film, il est bien précisé que l'action se situe donc dans une petite ville ici ou ailleurs. Donc Clouzot essaye d'échapper à cette critique-là. Enfin, on est en France, mais ça pourrait être ailleurs. Il y a une dimension plus universelle finalement. Oui, puis il y a aussi la résistance fait passer le message que apparemment le film serait sorti en Allemagne sous le titre Une petite ville française. Alors, ce qui est faux. Ce qui est absolument faux, puisque le film a en fait été censuré par les Allemands, qu'on trouvait ça infiniment trop corrosif, qui voulait absolument pas le sortir en Allemagne. Donc il a jamais vu le jour en Allemagne. Est-ce que les comédiens du film ont été inquiétés à la Libération à cause du corbeau? Pas forcément seulement à cause du corbeau. Enfin, il y en a beaucoup effectivement qui ont eu des ennuis, mais c'est souvent... le corbeau, c'est juste un épiphénomène. Hein. Par exemple, si Ginette Leclerc a été arrêtée, c'est surtout à cause de son fameux cabaret qu'elle avait ouvert, rue Ponthieu, avec son amant de l'époque, Lucien Gallas, un dangereux personnage. Et Pierre Fresnay. Et Pierre Fresnay, il est arrêté parce qu'il a fait effectivement 4 films à la Continentale, mais il a un dossier plus ou moins vide. Parce que on dit qu'il apprécie le maréchal Pétain, mais en fait, on n'a trouvé absolument rien dans son dossier qui montre qu'il ait eu une collaboration active. Et il s'est contenté de diriger son théâtre de la Michaudière, de protéger les gens qui devaient partir au STO et travailler dans le cinéma. Il a d'ailleurs toujours refusé d'avoir un contrat exclusif à la Continentale. Et Clouzot, donc son film est interdit à la Libération, il va être interdit de lui-même de tourner, oui. Mais finalement il va pouvoir retourner assez vite. Oui, ça oui, en fait, quand il s'est présenté devant la commission d'épuration professionnelle, donc du Comité de Libération du cinéma français, il a quand même pu présenter une défense. J'ai vu le dossier, il a des soutiens, même au sein des commissions d'épuration, par exemple Jacques Becker, qui en fait partie, le défend et dit il ne faut pas tomber dans la psychose, il ne faut pas que Clouzot devienne un bouc émissaire. Et effectivement, Jean-Paul Sartre aussi. Oui, Jean-Paul Sartre a écrit une lettre. Simone de Beauvoir même. Simone de Beauvoir parle de lui dans ses mémoires. Oui. Mais il a été défendu, il ne faut pas dire qu'il a été victime d'une épuration aveugle, ça c'est faux. Merci beaucoup Christine Leteux, je rappelle que vous êtes l'auteur de Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, un livre passionnant sorti en 2017 et édité à la Tour Verte avec une préface très élogieuse de Bertrand Tavernier. Et ce livre va sortir en anglais, je crois, vous êtes en train de le traduire? Oui, je suis en train de le traduire et normalement il devrait sortir l'année prochaine. À lire également Le Corbeau, histoire vraie d'une rumeur de Jean-Yves Le Naour chez Hachette Littérature et Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot de Chloé Follens aux éditions Vendémiaire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site franceinter.fr. Vos remarques y sont les bienvenues, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, une des plus grandes énigmes de l'histoire de la mer. En 1872, un brick goélette battant pavillon américain est retrouvé au large du Portugal, abandonné à lui-même, sans personne à bord. La Marie Céleste entre alors dans la légende des vaisseaux fantômes. Le mystère de la Marie Céleste, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire.